quelques minutes devant nous, si on veut un peu échanger, poser des questions. Moi, j'en ai une comme ça qui pourrait se poser à tout le monde et qui concerne tant l'exposé de Marc que celui de Gérard. On a évidemment parlé de postmodernité ou postmodernisme, de modernité. Tu as parlé de modernité liquide, je crois. Non, mais je capitalisme liquide. Mais je prends pas au mal. Oui, je le prends. Il me semble. Je le prends. J'ai dû noter ça quelque part. J'ai dû l'écrire un jour. Mais peu importe. Mais c'était pas forcément toi. Non, le problème est là, si tu veux, c'est qu'est-ce que l'on entend par tout ça? Parce qu'on a bien vu que les pensées postmodernes se tournaient en modernité quelque chose. Modernité avancée, tu as peut-être parlé de quelque chose comme ça, modernité avancée ou modernité liquide, etc. Quelle définition on peut donner à tout ça? Parce que je trouve que derrière tout cela, il y a des enjeux qui sont des enjeux théoriques, qui sont des enjeux de posture, en même temps épistémologiques. J'aurais tendance à penser que on devrait continuer à parler de modernité et simplement de modernité, parce que je ne suis pas certain qu'on ait épuisé cette modernité dans son fonctionnement, et ce que nous vivons aujourd'hui est bien le résultat de cette modernité qui continue de s'accomplir. Alors pourquoi tant de modernité, modernité dépassée, avancée, liquide, fluide, post, etc. Voilà, c'est un peu la question que j'aimerais... Je peux répondre. Moi je peux répondre pour mon compte, je fais très attention avec ce vocable parce que d'abord je l'utilise pas au sens épistémologique philosophique de Lyotard qui consiste à parler de la fin des grands récits, puisque dans les fantasmagories que j'analyse et celles que j'appelle postmodernes, les shopping malls par exemple, Disneyland, ce ne sont que des grands récits mis en image en fait. Disneyland c'est ça, le mall c'est ça, il y a un passé idéalisé, le passé de la vieille ville européenne, un futur fantasmé, le futur technologique, je n'ai pas envie d'utiliser le mot utopique pour ne pas l'abîmer ici, mais un futur complètement épanoui grâce à la technologie, une nature complètement fantasmée aussi. Donc il y a énormément de grands récits qui ont été écrits aux États-Unis pour structurer les oppositions, les mondes thématiques de Disneyland et qu'on retrouve dans ce genre d'espace. Donc je m'utilise seulement le terme comme phénomène culturel relatif à l'architecture, parce que là ça me semble très parlant, puisque c'est une critique du modernisme qui en architecture n'est pas capable de produire des grands récits, puisque ce sont des purs symboles, c'est plutôt une grammaire que des images en fait, l'architecture moderne. Et où le projet utopique qui a eu au moment du modernisme, un peu collectif, collectiviste, est complètement abandonné et critiqué par les postmodernes, qui sont toujours dans le jeu des images et des citations. Marc, excuse-moi, mais Jenny Vettimo, me semble-t-il, parlait justement en architecture de ne pas se servir des références, et ne pas se servir des références existantes en architecture, c'était aussi rompre avec les grands récits, d'une certaine manière, non ? Je ne connais pas ce texte de Vettimo. Ne pas utiliser les références en architecture pour oui, les architectes ? Exactement. C'est-à-dire, imaginez qu'on n'avait pas de maître en architecture, imaginez qu'on devait tout réinventer. Et donc, ça va dans le sens de ce que je dis, en fait. Ça irait dans le sens d'un modernisme anti-fantasmagorique qui consiste à rompre avec ce système de citation, de référence au passé, pour essayer de faire, comme disait Benjamin, de partir du degré zéro de l'expérience et voir ce qu'on peut attirer à partir de là, plutôt que de faire sans cesse. Mais on pourrait avoir cette double référence à ce que tu dis et à ce que dit Lyotard en même temps. C'est-à-dire... et effectivement, ce rapport au dépassement, pourquoi pas, de la fantasmagorie, mais en même temps, la rupture avec les grands récits. Oui, en tout cas, c'est sûr que pour l'architecture postmoderne, c'est une rupture avec les grands récits émancipateurs qui considèrent mener finalement au totalitarisme. Ça, c'est un peu le. Oui, mais dans l'architecture postmoderniste, oui. Il y a quand même cette espèce de glorification de l'éclectisme. Oui, oui, oui. C'est un récit du non-récit. À savoir, on fait. Tout ce qui a été fait en architecture, on le prend comme un immense champ de cygnes dans lequel on prélève selon son bon plaisir et on fait des architectures invraisemblables. Oui, oui. Et ce sont des récits qui sont toujours agrégés à la fonction de vente des marchandises dans lequel. Bien sûr. Mais on dit, puisque le récit est cohérent, il est has-been, on va faire autre chose. En fait, et là, effectivement, on va dire. Et c'est très clair dans l'architecture postmoderne, quand on voit un petit peu les résultats de cette architecture en Amérique de l'Ouest, c'est assez frappant. Oui. À savoir qu'on va à chaque fois indexer le résultat architecturale, non pas sur un discours, le style moderne, mais sur le goût ou le fantasme ou l'envie de quelqu'un. C'est-à-dire, il a effectivement, il y a en même temps une confirmation que les grands récits, on s'en méfie. Ouais. Et puis, la glorification du moi, qui est en quelque sorte la seule référence assumée, en fait. Oui, oui, c'est ça. Mais cette architecture un peu fantasmatique, type Disneyland, elle refuse les grands récits, mais en fait, ce qu'elle refuse, c'est les grands récits émancipateurs du modernisme politique, des avant-gardes et des utopies. Et elle s'indexe, par contre, aux grands récits de la mondialisation heureuse par la consommation. Une chose qu'elle ne remet pas du tout en question. Donc, Et ça, c'est. Moi, c'est marrant. Enfin, pour ma part, par exemple, et tu m'arrêtes, j'utilise pas le mot postmodernisme. Mais ce qui est clair, c'est que, à mes yeux, sous ma plume, la postmodernité, c'est notre modernité. C'est qu'effectivement, il s'est passé quelque chose, moi je le date, dans les années 70, il s'est passé quelque chose qui fait que on est passé à autre chose, qui est en même temps notre modernité à nous, et autre chose que la modernité qui a commencé en gros dans les années 40. Et c'est vrai que cette modernité, notre modernité à nous, que j'appellerais postmodernité pour être simple, eh bien, ça se manifeste, entre autres choses, par la méfiance des grands récits. Il y en a qui persistent, mais on s'en méfie. Et cette méfiance des grands récits, elle a pour conséquence un repli sur la dimension singulière. Et là, effectivement, ça met en jeu un narcissisme, comme si finalement, quand on n'a rien à quoi se raccrocher, on va au moins se raccrocher à soi. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, par exemple, c'est aujourd'hui... On pourrait parler effectivement de quand j'étais étudiant, il y avait des livres de sciences humaines en poche à des prix dérisoires. Aujourd'hui, c'est impossible de publier les sciences humaines, sauf quelques héros. Et en revanche, on voit partout dans les villes des centres de fitness qui se multiplient. Et non, mais c'est intéressant, à savoir qu'il y a à savoir, il faut bien manger, il faut être épanoui, être heureux, et surtout ne pas être critique. C'est-à-dire qu'en fait, je me rappelle toujours la revendication d'une série de guides de voyage bien connus que je ne citerai pas, où on disait, si vous allez aux États-Unis avec un esprit critique, vous allez tout rater. Il faut tout prendre. Il faut tout prendre. C'est exactement le discours de Jeff Koons. Jeff Koons dit, je prends tout. Et surtout, je ne pose pas de regard critique. Alors, il ne s'agit même pas d'avoir un regard critique unifié. Parce que ça... Mais au moins... Mais, déjà, être critique, il ne faut pas. Il faut être, positif. C'est ça. Emphatique. Je prends tout. Parce que, disait ce guide de voyage bien connu, si vous ne prenez pas tout, vous n'en profiterez pas. Il faut tout prendre. Et Jaco dit, mais moi, je prends tout. Et je demande qu'on prenne tout. Si vous posez un regard critique, eh bien, vous êtes en train de vous interdire d'en jouir. Or, la seule incitation, il faut être heureux. Et pour être heureux, il faut... Mais consomme. Qu'est-ce que c'est que ce regard critique? Prends tout. Même les choses critiques, prends-les aussi. Mais prends. Commence pas à avoir un regard... C'est quoi ça? Tu es en train de t'interdire de jouir. Comme si, finalement, il n'y avait pas d'autre injonction que... Prends ton pied. Alors, tu bouffes bien, tu vas au centre de fitness, tu lis des bons romans, qui te prennent pas la tête. Hein. Il faut voir les romans d'aujourd'hui. Oui, mais si tu jouis pas, si tu ne jouis pas, le risque, c'est bien la honte. Tu disais la honte de moi. Ce que Anders dit d'une autre manière, la honte prométhéenne. Mais est-ce que c'est pas le risque, justement, d'aller vers la moque? Mais bien sûr. Donc, voilà. Mais le problème, c'est qu'on fait, et c'est là qu'on arrive, et je suis d'accord avec toi. Quand je dis la seule injonction, c'est de jouir, il est clair que quelqu'un comme Adorno dit cette jouissance, elle existe, mais elle est fallacieuse. Elle existe, bien sûr. Mais si tu refuses cette jouissance-là au profit d'autre chose, eh bien, effectivement, tu rentres sur les chemins diaboliques de la critique. Mais bon, il est clair que si tu te méfies, tu te dis cette jouissance-là, elle est fausse et j'ai rien à mettre à la place, alors là, on plonge. Oui, exactement. Et on plonge de deux manières possibles. Et Heisenberg dit qu'il y a deux manières. Ou bien on explose, ou bien on implose. Quand on explose, ça veut dire qu'on se tue, mais pas tout seul. On en tue le suicide étendu. Ou bien Alzheimer, c'est une implosion. Et quand Heisenberg dit que Heisenberg que Alzheimer c'est de l'implosion, il dit pas qu'il y a aucune base physiologique, pas ça. Il dit qu'en fait, comment se fait-il qu'on ait tant aujourd'hui? Eh bien, c'est la même question. Comment se fait-il qu'il y ait tant de tireurs fous aujourd'hui? Pourquoi? Il n'y a pas plus d'armes aujourd'hui qu'hier. Pourquoi ils sont tous à tirer partout? Pourquoi il y a presque 50 folies meurtrières aux États-Unis depuis le début de l'année? Et je ne parle pas que des États-Unis. Comment se fait-il? On ne comprend pas. Et comment se fait-il que par ailleurs, Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, soit devenue, comme par hasard, au même moment, cette grande cause, cette maladie presque mythique? Il ne s'agit pas de nier les choses, mais il n'empêche que, et ce qu'a Alzheimer, c'est que le phénomène d'implosion dont Alzheimer est une manifestation, entre autres, c'est l'un des effets que la société qui est en crise, et on a le droit de mettre des SOB, n'arrive plus à maintenir la subjectivation des gens. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au travers, si on devait faire un raccourci, évidemment c'est un raccourci de vos deux interventions, on se retrouve face à trois possibilités dans cette société, qui est une société, encore une fois, de crise. Soit on se laisse happer par la fantasmagorie et en même temps vers une sorte de société peut-être du vide avec la consommation, etc. Soit il y a la critique qui permet de structurer peut-être un désir, une praxis et l'idée d'un dépassement ou d'autre chose, peu importe, d'une reconstruction, ou alors il y a la moque. Tout à fait. Voilà, à la limite... Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le résumé. Mais c'est vrai que finalement, la voie de la critique n'est pas la plus confortable. La plus confortable, c'est être heureux. Enfin, on prend tout. La fantasmagorie. La fantasmagorie. Pourquoi on s'emmerde dans la critique, il y a... Et je pense qu'il faut qu'on fasse tourner la... Oui, bien sûr, pardon. Mais je pense que dans vous écoutant, je pense que les liens entre vos deux interventions, je pense que dans la critique, si je prends un élément de résumé, il y a la volonté de ne pas en rester au fantasme. C'est-à-dire que la critique, il y a de la critique aujourd'hui qui relève de la fantasmagorie. C'est-à-dire dans le post-attentat du mois de janvier, on a un humanisme de pacotille, un humanisme de spectacle, une communauté spectaculaire qui sort dans la rue. Ma question, c'est est-ce qu'on est dans le domaine de la fantasmagorie? Je ne sais pas, par contre, si c'est une fantasmagorie du capital. On n'est pas obligé de mettre capital à on n'est pas obligé. C'est parce que le fantasme, c'est ce qui ne fait pas récit. Ouais, le fantasme, c'est ce qui ne fait pas récit. Et, or, ce qui fait récit, c'est la parole. La critique, pour qu'elle puisse se développer, il faut des lieux, il faut des temps, il faut de l'espace et du temps. Et l'espace et le temps sont saturés. Ils sont saturés par la société de consommation, par la publicité, mais pas uniquement. Également par l'humanisme de pacotille, par l'humanisme spectaculaire, par les gens qui tiennent la parole, par les personnes politiques qu'on écoute tous les matins sur France Inter ou sur France Culture. Toujours les mêmes. Je ne sais pas si vous avez forcément eu les mêmes sentiments d'étouffement que moi au lendemain des attentats, avec cette sensation qu'on pouvait parler à n'en plus finir nuit et jour. Bien sûr. Nuit et jour, il y avait une saturation des espaces. On avait juste envie de dire « taisez-vous, un moment pour penser ». Un moment pour réfléchir à ce qui s'est passé, et ce moment-là n'est jamais arrivé. Il a mis du temps. C'est-à-dire qu'il y a une saturation pendant un mois, et ensuite on est passé à autre chose. Alors, j'avais une question par rapport au vide, c'est aussi une pensée de l'espace que vous développez, de l'intériorité, de l'intérieur et de l'intériorité. Mais finalement, ce vide, je me dis dialectiquement, c'est bien qu'il y ait du vide. Pour qu'il puisse y avoir de la jouissance, il faut qu'il y ait du vide. Il faut qu'il y ait un vide. Pour qu'il y ait de la création, il faut du vide. Il faut qu'il y ait une matrice. Une matrice, c'est un espace vide. Et dialectiquement, ça n'arrive pas. Parce qu'on est dans une... Le vide, c'est ce qui crée la parole. Le vide, c'est le manque aussi. Et c'est par le manque que l'enfant va subjectiver. C'est par le manque, c'est parce que tu citais la mère tout à l'heure, l'exemple de la mère. Ben oui, on sait tous que c'est parce qu'à un moment donné, il y a la frustration... Et ce manque, il y a une matrice, et la mère se fait matrice par la frustration et par le manque, qu'on va pouvoir développer une parole et construire un récit. Construire, j'aime pas trop. Ardoine le disait, élaborer. Élaborer. Parce que construire, on est déjà dans un plan. on est déjà dans un pré-pensé, on est déjà dans une architecture. On est dans du matériel. Élaboré, on est dans l'histoire. On est dans l'histoire, on est dans l'écriture. On est dans la parole en train de se faire. On n'a pas déjà digéré, on est en train de penser. Et or, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas? Le vide devrait générer de la parole, devrait régénérer du récit. Ça n'arrive pas parce qu'il y a une saturation. Alors comment on crée un vide qui nous permette d'écrire? Comment on crée un vide? Autrement dit, comment on crée un vide qui nous permette de publier? Pas publier des papiers pour publier des papiers. Comment on crée un vide pour pouvoir publier, c'est-à-dire échanger des mots, des paroles, échanger avec les mômes? Aujourd'hui, il y a un espace qui s'appelle l'école. C'est un espace où il n'y a pas de paroles vraies. On n'est que dans la communication. Après les attentats du 7 janvier, je continue de recevoir de la ministre de l'Éducation nationale, quasiment toutes les semaines, des bons procédés pour organiser des débats, pour expliquer au monde ce que c'est la République et la démocratie. On est exactement là dans le domaine de la saturation institutionnelle. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de pensée qui peut se développer parce que tout a déjà été pensé pour vous. On sait ce que c'est la démocratie. Elle n'est pas à inventer. Si elle n'est pas à inventer, on n'a rien à faire ici. Mais si tu me permets, Nicolas, je mettrais peut-être un petit bémol. Ah, pardon. Juste un petit bémol. Par rapport à l'espace et au vide, j'entends bien et tu as raison. Mais je ne crois pas, au fond, que ça soit tout à fait ça. Le problème, c'est encore une fois, ces pensées de faible densité. On connaît ça dans l'université. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'université évalué sur un nombre. Le nombre. Donc en fait, la guerre, ce n'est pas la qualité du texte, d'un texte, c'est-à-dire de celui que tu as pris le temps d'écrire, c'est le problème du nombre de textes. Et donc, plus tu as de textes, et plus l'espace est saturé, et plus le temps est saturé. Et donc, même si ce ne sont que de faibles pensées, ces faibles pensées agrégées prennent tout l'espace et ne te laissent aucun espace, toi, pour pouvoir intervenir. Encore une fois, c'est ce que j'avais appelé la polymérisation, mais je crois que ça fonctionne parfaitement à ce niveau-là, à savoir que les pensées de faible densité se retrouvent forcément et saturent cet espace. Du vide, la politique est faite pour ne laisser aucun vide. Le système politique ne laisse aucun vide. Aucun vide parce que toi, même si tu t'accordes un espace pour penser et un temps pour penser, ce travail sera perdu dans l'énorme masse, dans la massification que représente l'ensemble des travaux, des parutions, etc. Ce sera, avec tout le temps que tu auras donné, un texte lambda, dans la totalité des textes qui n'auront rien apporté. Et aujourd'hui, on le vit malheureusement, et ça en a été malheureusement un exemple tragique, quand tu te présentes à l'université, on n'étudie pas ton texte, on va te demander où ton texte a-t-il été édité. Voilà. Et combien de textes tu as, et Marc connaît cela, peut-être Florent également. Ah non, plus Florent, ça y est, c'est réglé. Voilà. Mais on connaît cela. Ça existe de la même manière. Non, à toi, Yann, parce que. Deux choses. D'abord, sur cette question-là, de la priorisation du moderne, post-moderne et je ne sais pas trop quoi. Ça me rend toujours un peu fébrile, quoi. Ça me rend fébrile parce que Patrick Lennet, la référence Patrick plutôt à Anders, c'est un bel exemple. On efface systématiquement ce que vous revendiquez, la continuité, le contenu et ce qui reste. Hein. La référence à Anders, à ce livre d'Anders, pour illustrer ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quand même très parlant, un livre écrit fin des années 40. Il nous parle aujourd'hui. Hein. J'ai encore lu il y a 3 semaines peut-être. Hein. Alors, la question n'est, pour moi en tout cas, la question essentielle n'est pas justement de courir après ces grands publicitaires du spectacle, quoi, des Kunz et compagnie, et de refaire leur discours pour dire il est vrai. Il a une apparence. Ok. Mais la question n'est pas là. Hein, qui m'intéresse en tout cas. La question est comment cette continuité se construit avec des ruptures, des crises, des machins. Ok, c'est pas une ligne droite. Et on évite cette question en se fixant sur les formes d'apparence de la marchandise. Hein. Je crois là, ici dans la salle, tout le monde est d'accord là-dessus, donc c'est pas la peine de se perdre dans cette discussion. Mais comment cette forme concrète de l'apparence rend une consistance humaine, si j'ose dire. Comment le sujet s'objectivise dans cette forme, pas dans une forme qui compte de la marchandise, dans cette forme. Et ça, je parle beaucoup plus que le moderne, postmoderne, fluide et. Je sais pas, après on arrive à la diarrhée, je sais pas où. Mais, où je suis bon moi, mais il y a un côté sur la diarrhée. Voilà, hein. C'est cette question de la parole et du temps de pensée. Je vous rappelle que Horkheimer a caractérisé une bonne partie de la liberté comme le temps qu'on se prend pour penser. Hein. Donc la liberté, ça se constitue, ça se prend. Et je crois qu'il y a le raison. Et de cette, je suis extrêmement étonné, quoi. La parole existe. Elle est même extrêmement vivante. Elle existe peut-être pas sur France Inter, j'écoute aussi tous les matins, et ça me met un peu en rage, donc ça me réveille un peu long, le matin au moins. Mais c'est pas parce que ces espaces publics de l'industrie culturelle ne reconnaissent même pas, je crois qu'ils connaissent même pas, souvent en tout cas, cette parole, qu'elle n'existe pas, qu'elle existe dans les, par exemple dans les cercles comme ici. Ça rayonne peut-être pas loin, je veux bien. J'en prends acte, hein, je veux pas rien du tout, mais j'en prends acte. Mais on ne peut, je crois, pas faire le court-circuit, hein, ça revient un peu à Jeff Koons, le court-circuit de prendre comme seule réalité ce que l'industrie culturelle nous inculque depuis des décennies, que c'est son espace public qui est le seul et l'unique. Avec des variantes, quoi, entre, tout le monde le sait, quoi, entre Voici et France Inter, il y a quand même un peu de marge. La publication, dans tous les sens du terme, hein, du papier jusqu'à la parole portée, n'a pas de place dans, très peu de place, hein, pas exagérer non plus, très peu de place dans cet espace public. Et le problème, je crois en sorte à un problème qui est extrêmement classique par ailleurs, donc on revient sur une continuité, des constitutions, je parle vraiment au pluriel, des constitutions d'espace public au pluriel, qui se font la guerre, qui se font alliance, mais en tout cas, qui existent. Et le problème est là. Hein. Ce n'est pas l'interdiction de la parole. Hein. D'où aussi la pertinence quand même de l'idée de Lyotard, hein, qui était quand même un peu plus fin que Jeff Koons. Hein, l'écran récit, je pense par ailleurs factuellement, il a raison, l'écran récit en 79, hein, peut-être pas complètement effacé, quoi, hein, mais c'est frite à l'époque. Ouais, sa formule, c'est attends, on est méfiant. L'écran récit, c'est frite, question qu'il ne se pose pas. Ouais, c'était pas la sienne, peut-être il aurait dû vivre un peu plus longtemps, enfin, c'est son problème, pas le mien. Et qu'est-ce que sont devenus et ces récits, et les acteurs des récits, et surtout le sens que ces récits ont véhiculé. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc ils ne sont pas complètement vaporisés et avalés par la forme marchande, en bonne partie. Ok, mais ça, par ailleurs, tout le monde le sait. On le sait depuis très longtemps. Donc, c'est où la nouveauté? La nouveauté, c'est qu'on s'en méfie. Ils existent toujours, ces récits. Bien sûr qu'ils existent. Mais minoritaires, alors qu'il fut une époque où ces grands récits étaient, on va dire, évidents. Et puis, il y a eu une époque. Mais faux. Pardon? Mais faux. Oui, non, mais c'est pas le problème. Mais si, c'est le problème. Non, non. C'est-à-dire qu'en fait, pendant longtemps, on se. Référait de manière évidente à ces grands récits. Lorsqu'un artiste présentait, on disait t'es de gauche ou t'es de droite, je ne sais pas. Les récits existent toujours. Ce qui n'existe plus, c'est l'évidence de ces récits. Lyotard ne dit pas que les récits n'existent plus. Il dit qu'il y a une méfiance envers eux. Ils existent toujours. Il y en a qui continuent à les revendiquer. Mais ce n'est plus l'évidence. Il faut. Non, je voulais juste préciser que, comme David Anderson montre très bien dans sa présentation, dans les origines de la postmodernité, non, c'est un bon livre, il montre très bien que la critique que fait Lyotard des grands récits, elle est fondée sur une critique très forte qu'il veut adresser au marxisme, au communisme. C'est quand même ça qu'il y a derrière. Donc, parce que, en fait, ce qu'il appelle le grand récit, c'est essentiellement le marxisme. Voilà, c'est ça. Ah non, par rapport à ce que dit mon voisin, dans son intervention en arcade, je me suis quand même posé la question, puis ça va dans le sens de ce que tu viens de dire, nous aussi, on a nos. Puisque tu as fait référence à plusieurs reprises de 70. Moi, j'ai bien écouté, hein, Patrick, j'ai bien remarqué qu'il écoutait moyennement, parce qu'il n'a jamais dit liquide. Hein. En fait, j'ai noté, c'était capitalisme avancé ou capitalisme de la consommation. Et puis, le camarade Bauman, je crois qu'il a dit qu'il n'était pas marqué, je crois qu'il a dit qu'il ne viendrait pas parce qu'il n'était pas marqué. C'est moi ensuite qui ai marqué Nietzsche. Ce que je veux dire, c'est que si on prend les grands récits, il y en a plein, on ne les a même pas analysés pour ce qui valait. Et donc, ton intervention m'a fait penser à un truc qui est un grand récit, c'est trois mots, jouissez sans entrave. Jouissez sans entrave, c'est qui a pondu ça? C'est pas Séguéla, c'est pas Publicis, c'est Debord et puis sa bande de zozo à l'IS. Donc, quand le truc est quand même assez inouï dans l'IS, c'est de voir ce qui se passe après l'IS. Comment est-ce que ça se fait que l'IS se pose à un endroit, on a l'impression que ça s'arrête tout en 71 ou 74. Il y a un très important. Ça s'arrête là, puis après ils n'analysent pas ce qui se passe après. On a l'impression qu'il n'y a que Van Egan qui analyse finalement, parce que les autres, ils n'analysent pas grand-chose. Ouais. Ou alors ils terminent dans la moque, vraisemblablement, le camarade de bord, puisqu'il termine en se suicidant. Donc c'est la moque. C'est assez étonnant qu'on n'analyse pas, parce que même si c'est tout petit, hein, ça c'est pas le marxisme, je vous sais sans entrave, c'est jamais que trois mots, je vous sais sans entrave, ne travaillez jamais. C'est un voilà des choses qui peuvent comporter, en tout cas de 68 à 78, voilà bien des espèces de slogans, enfin c'est des slogans, comporter finalement tout un tas de fantasmes de la gauche radicale ou dite radicale, et puis ça fonctionne encore aujourd'hui, complètement récupéré, recyclé, tout ce qu'on veut par le capital, et ça arrive à le passage de l'esprit libertaire à l'esprit libéral, je l'explique. Ah oui, bien sûr, oui, justement, mais concurrent. Donc, je voulais juste faire une petite remarque pour retourner un peu à la philologie et puis repartir sur l'actualité. Parce que dans ton intervention, ce qui m'a frappé, c'est que ça touchait au cœur d'un débat qu'il y avait au début de l'école de Francfort, notamment entre Adorno et Benjamin, puisqu'Adorno lui disait, pour ton travail, parce que ton problème de l'inconscient collectif que j'ai mentionné brièvement est un problème très important, qu'il ne faut pas laisser à des gens comme Gustav Jung, Ludwig Klages, qui utilisent des images archaïques pré-nazis, en fait, que saura mobiliser le nazisme. Et Adorno encourage beaucoup Benjamin à écrire cet article sur l'inconscient collectif. Et Horkheimer refuse parce que c'est un sujet qui leur tient très à cœur. Et il y a un différent là qui apparaît, c'est que pour Adorno écrit à Benjamin que pour des gens comme Horkheimer ou Fromm, le pivot entre l'individu et la société passe par les parents et l'autorité parentale. Et pour des gens comme Adorno et Benjamin, et j'ajouterai Krakauer, ce qui permet l'identification de construire la subjectivité entre l'individu et la société, c'est plus l'autorité parentale, mais c'est la marchandise et le fétichisme de la marchandise. Et ça, c'est très fort, je pense, et je pense qu'ils ont très bien vu ça. Ça, c'est Adorno l'a fait pour les autres. Hein. Oui, ils ont très bien, entre Adorno et Benjamin, et c'est très intéressant pour analyser encore le capitalisme aujourd'hui, et même encore plus loin pour reprendre ce que tu disais sur l'envahissement de certaines paroles, France Culture, France Inter. Moi, à distance, aussi dit, je suis assez choqué par le retour des images mythiques qu'on trouve dans la bouche de Finkielkraut, Onfray, en Allemagne, Sarrazine, c'est-à-dire cette idéalisation d'une identité malheureuse, perdue, forte. Et du coup, moi, je pense qu'il faudrait, enfin, je ne sais pas si c'est une sensation, mais il faudrait arriver à actualiser cette problématique-là et à montrer que tout ça, ce sont des images mythiques, le fantasme de l'homme blanc, et qu'il faudrait les démonter pour leur couper l'herbe sous le pied et imposer une image dialectique ou une image vue de manière critique, c'est-à-dire être capable de récupérer ce genre de mythe pour l'utopie qui est peut-être cachée à l'intérieur de ces mythes pour les libérer de leur gang mythique. Quoi. Et ça serait un geste critique, je pense, à faire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que moi j'ai peut-être une vision erronée de ce qui me parvient à cause de ceux qui envahissent les médias, mais là on est encore au-delà du fétichisme de la marchandise. C'est vraiment une idéologie réactionnaire qui prend le devant et qui envahit tout l'espace. Quoi. On doit revenir à 14h. Alors, on reprendra les débats, mais pour terminer, vite fait, j'aimerais rappeler une idée de Primo Levi. Et peut-être que ça mettra tout le monde en condition. Primo Levi disait que dans les camps de concentration, la parole n'était pas forcément interdite. Donc on pouvait parler. Le seul problème, c'est que tout le monde s'en foutait. Voilà. Donc. Ceux qui étaient dans les camps. Ouais, non mais c'est vrai, c'est que on pouvait dire ce qu'on voulait, mais ça n'intéressait personne. Donc. C'est vrai que Primo Levi dit ça, mais Sanfrin dit autre chose. Sanfrin dit que c'est grâce à la parole qui circulait avec ses camarades qu'il a survécu. Donc, alors, on discute entre nous, personne ne nous entend, mais je ne pense pas que nous, on s'en fout. C'est juste là, nous, on s'en fout pas. Je crois que si. Mais le problème de Sanfrin, la différence entre Sanfrin et Levi, Levi ne dit pas que la parole ne va pas aider certaines personnes. L'idée, c'est qu'on peut dire n'importe quoi dans certains camps, à certains moments, ça n'engage absolument que celui qui le dit, et ça n'a absolument ensuite aucune conséquence autre dans certaines situations. Et Primo Levi se suicide. Donc la liberté de parler peut... se suicide parce qu'il trouve insupportable que le négationnisme existe. Il considère que son témoignage, il était mort de culpabilité d'avoir survécu. Il a écrit contre sa culpabilité. Et plusieurs années plus tard, il écrit d'ailleurs dans un texte, on a l'impression de lire la lettre d'un suicidé. Il explique que c'est une nouvelle culpabilité, sa parole n'est pas entendue puisque le négationnisme existe. Ouais. Il se suicide. Bon, ben voilà, ça donne à réfléchir en tous les cas sur la parole et les espaces publics, sur tout ça.